Chapitre 11e. Que de réflexions pénibles m'agitèrent en cet affreux moment. Perdre la liberté, c'eût été peu de chose, mais perdre Sophie, mon absence réveillerait sa jalousie. Elle me croirait infidèle et parjure. Et si son père la venait chercher, si elle se hâtait de quitter un pays que ma perfidie lui aurait fait détester, si mademoiselle de Gorlitz, paraissant à la cour de Vienne dans tout l'éclat de sa beauté, allait choisir un époux parmi tant de jeunes seigneurs, bientôt épris de ses charmes, si elle allait se trahir en croyant se venger. Mademoiselle de Pontis, dans les bras d'un autre, oh non, jamais. Sophie, désespérée, me resterait fidèle. Mais son barbare père ne pourrait-il pas la forcer de contracter un hymen odieux, tandis que le mien, non moins impitoyable, retiendrait prisonnier, dans un village ignoré, son fils mourant d'inquiétude et de douleur. Cruelle marquise, c'est par toi, sans doute, que le baron a su mes amours fortunés. C'est ta jalouse rage qui dicta ce perfide cri. Que tu me fais payer cher les rapides plaisirs que tu m'as donnés. Ah, du moins, si ta vengeance n'avait poursuivi que moi. Il est vrai que j'ai sacrifié Madame de B. Et si mes torts ne justifient pas tout à fait sa haine, ils font au moins qu'elle ne m'étonne pas. Mais l'injustice du baron, je ne puis la concevoir. Il exige que je sacrifie mon bonheur à son amitié pour Monsieur du Portail. Il punit, comme le crime le plus inexorable, un penchant légitime et vertueux. Il me sépare de tout ce qui m'est cher, il m'enlève à Sophie, il m'enferme comme un criminel, il veut donc ma mort. Eh bien, je ne tarderai pas à le satisfaire. C'est apparemment pour prolonger mon supplice qu'ils ont écarté tout ce qui pouvait m'aider à me débarrasser du fardeau de mon existence. Mais s'ils parviennent à m'empêcher d'attenter à ma vie, ils ne peuvent m'obliger à m'occuper du soin et de sa conservation. Qu'ils m'apportent de quoi manger, qu'ils apportent. Je jette les plats par la fenêtre, tout ira dans le jardin, à travers ces infâmes barreaux. Je persistais dans cette résolution violente jusqu'à ce qu'un vif appétit, déterminé par une diète de 5 heures, m'eût fait envisager les choses plus sainement. Et qu'on ne prenne pas ceci pour une plaisanterie, à tout âge, en tout temps, en tout lieu. Dans quelque situation qu'on se trouve, l'estomac influe prodigieusement sur le cerveau. Un malheureux qui est à jeun ne raisonne pas du tout comme un malheureux qui vient de faire un bon repas. Je m'emparais donc, sans me faire prier, des mets qu'on m'apporta pour mon dîner, et je me disais tout bas, en les dévorant, « Vraiment, j'allais faire une belle sottise. Et qui consolerait ma jolie cousine si j'étais mort? Qui lui dirait que la dernière palpitation de mon cœur fut un soupir d'amour pour elle? Il faut manger pour vivre, il faut vivre pour revoir, pour adorer, pour épouser Sophie. » Le 3e jour de ma détention, le baron m'envoya mes livres, mes instruments de mathématiques, mon fortepiano. Mon premier soin fut de rendre grâce à sa clémence paternelle, qui me ménageait dans ma retraite quelques dissipations. Mais quand je vins à réfléchir que les soins qu'on prenait d'adoucir ma captivité m'annonçaient combien elle serait longue, je sentis un vif désir de la terminer promptement. Tandis qu'on meublait ma chambre de ses effets nouveaux, je fis pour m'évader une tentative que la vigilance de mes gardes rendit inutile. Et je demeurai convaincu, après avoir examiné la situation de la prison et le régime établi pour sa sûreté, que loin de négliger les précautions nécessaires, on en prenait de fort utiles. J'avais encore dans ma bourse 3 morceaux de ce métal tout-puissant qui ouvre les portes et brise les grilles. J'offris mes 72 livres à mes geôliers, que je m'efforçais de gagner par les plus belles paroles. On refusa mon or, on rejeta mes promesses. Je ne sais comment mon père avait fait, mais il avait 3 domestiques incorruptibles. Depuis 8 jours, quand je ne lisais plus, quand je ne dormais pas, je languissais dans ma prison. Toute communication m'était fermée au dehors. Je ne recevais aucune lettre. On ne me permettait d'écrire à personne. Le baron vint me voir, je m'efforçais de le fléchir, il fut inexorable. Après cette visite de mon père, 4 jours s'écoulèrent encore. Au milieu de ma 5e nuit, je fus réveillé par un bruit sourd qui partait du jardin. Je courus ouvrir ma fenêtre. sous laquelle je vois une échelle plantée. Je distinguais quatre hommes qui semblaient tenir conseil. L'un d'eux monte hardiment, une pioche à la main. « Vous êtes le chevalier de Faublas ?»« Oui, monsieur. »« Habillez-vous promptement, tandis que je vais travailler le plus doucement que je pourrai à lever un barreau. Si vos gardes m'entendent, s'ils viennent à vous, voici deux pistolets que vous leur montrerez. Cela suffira pour les contenir. Dépêchez-vous. Votre ami vous attend dans sa chaise de poste à la petite porte du jardin. »« Mon ami ?»« Oui, monsieur le comte de Rosembert. »« Quel service ?»« Chut, habillez-vous. » Il ne fallut pas me le répéter une troisième fois. Je n'y voyais goutte, mais je cherchais mes vêtements à tâtons. Jamais toilette ne fut plutôt faite. Cependant, mon libérateur frappait à petits coups redoublés. Quand le barreau fut ôté, je crus voir le ciel ouvert. Je passai d'abord une jambe, ensuite l'autre. J'empoignai un barreau. J'appuyai le bout de mes pieds sur l'échelle, et quelque mince que fût mon individu, j'eus peine à passer par l'étroite ouverture. J'en vins à bout, cependant. Dès que je me vis dehors et parvenu au milieu de l'échelle, je ne m'amusai point à compter combien d'échelons me restaient à descendre. Je sautai sur la terre fraîchement remuée. Nous gagnâmes à toutes jambes la petite porte du jardin que mes libérateurs avaient ouverte, je ne sais comment. Un petit ravin me restait à traverser, je le franchis d'un saut. Je me précipitai dans la chaise de poste. Je croyais tomber dans les bras du comte de Rosembert. Ce fut le vicomte de Florville qui m'embrassa. Tandis que je restais muet de surprise, le postillon donnait le coup de fouet du départ. Mes quatre libérateurs, aussitôt remontés à cheval, suivaient, ventre à terre, la rapide voiture qui nous emportait. Je ne répondis rien aux questions dont la marquise m'accablait. « Chevalier, me dit-elle enfin, est-ce à l'excès de votre reconnaissance que je dois attribuer ce silence inquiétant, madame ?» « Ah, je le sais bien. Je le sais bien que je ne puis plus pour vous que madame. Et cependant, je m'expose à tout pour finir votre captivité. »« Ma captivité, c'est vous qui l'avez causée. Faublas, si vous m'aimez encore, ce que je fais aujourd'hui suffirait pour ma justification. Mais écoutez-moi, car je ne veux pas laisser le plus petit prétexte à votre ingratitude. J'ai pleuré votre inconstance. J'ai voulu ramener mon amant. J'ai fait épier ses démarches. « Voilà mes crimes. » La femme du tour, chargée de mes ordres, les a passés. J'ai su trop tard qu'une lettre anonyme avait instruit le baron de vos cruels amours. J'ai bientôt appris que votre absence n'était plus feinte, qu'on vous tenait enfermé. Je ne pouvais deviner où. Ceux qui avaient suivi le fil ont suivi le père à son tour. Pendant quatre jours entiers, le baron n'a pas fait un pas dont je ne fusse instruite sur le champ. Il est enfin venu vous voir lundi dernier. On a examiné les environs, le jardin, la maison. Vos fenêtres grillées ont été remarquées. J'ai profité du premier voyage du marquis. Sous les habits du vicomte de Florville, sous le nom du comte de Rosembert, j'ai tout risqué pour vous délivrer. Faublas, si vous me rendez responsable des fautes commises par les gens que vous me forcez d'employer, vous conviendrez du moins que l'heureuse hardiesse du vicomte de Florville a bien réparé la fatale imprudence de la femme du tour. « Madame, croyez que je n'oublierai jamais le service. »« Cruel !» Ces protestations, froidement polies, m'annoncent que je suis absolument sacrifié. Ainsi donc, ce qu'une autre femme n'aurait osé seulement imaginer, je l'aurais entrepris, je l'aurais exécuté, pour mettre dans les bras de ma rivale la plus aimable, mais le plus ingrat de tous les hommes. Eh bien, s'il n'y a plus d'autre moyen de conserver au moins son amitié, il faudra se rendre justice, il faudra s'immoler. Faublas, j'en ai le courage. Monsieur, je renonce à vous, je vous rends à votre Sophie. Privée de tout ce qui me fut cher, je serai peut-être heureuse de votre bonheur. Peut-être que les regrets qui suivront votre perte seront adoucis par cette consolante idée que du moins j'ai contribué à assurer votre félicité. Monsieur, où voulez-vous qu'on vous reconduise ? Elle attendit ma réponse à cette question qui ne laissait pas de m'embarrasser. Après un moment de silence, elle reprit. « Retournez chez monsieur votre père, ce serait aller trouver une captivité nouvelle. Monsieur de Portail est encore en Russie. Il n'y avait que monsieur de Rosembert, mais on le dit parti depuis quelques jours pour une de ses terres. Moi, je crois qu'il vous cherche. Monsieur, où voulez-vous donc qu'on vous reconduise ? pénétré de la générosité de la marquise, touché de son attachement, en même temps si noble et si tendre, je ne résistais qu'à peine au désir de la consoler. Je sentis sa main tressaillir sous mes lèvres, que cependant j'avais posée bien légèrement. « Répondez-moi donc, » me dit-elle d'une voix presque éteinte. « Hélas, ma tendresse inquiète, vous avez déjà préparé un asile aussi sûr que charmant, et vous n'y viendrez pas. « Et vous n'y viendrez pas, » continua-t-elle d'un ton plus animé, « et je vous perdrai pour toujours. Vous vivrez pour une autre, et je le verrai tranquillement. « Non, Phoblas, ma douleur a pu m'égarer, j'ai pu le dire, mais jamais, jamais, je n'y consentirai. Moi, vous céder à une rivale? Mon ami, ne l'espérez pas. Cet effort est au-dessus d'une mortelle. Il est au-dessus de moi. » Les faibles rayons du crépuscule tremblant commençaient à laisser distinguer les objets. Depuis près de 15 jours, je n'avais aperçu que de rondes villageoises dont les gros charmes, brûlés par un soleil ardent, flétris par un travail opiniâtre, étaient peu faits pour me tenter. Encore n'avais-je pu les considérer qu'à travers une grille et à plus de 50 pas de distance. Alors, au contraire, se trouvait près de moi le vicomte de Florville. L'aurore naissante me le montra plus beau que ne parut jamais Adonis au regard de la Vénus enchantée. Et puis la marquise pleurait. Une femme qui pleure est si intéressante. Je voulus essuyer ses larmes. Je ne sais comment je m'y pris, mais nos yeux se rencontrèrent. Ma bouche toucha la sienne. Une curiosité fatale égara mes mains. Oh, ma jolie cousine, je devins parjure sans le vouloir, et je dois faire ici l'aveu. Si ton coupable amant ne consomma pas à l'instant son infidélité, c'est que ta rivale attentive ne lui permit pas de tenter certaines entreprises qui, dans une voiture étroite, incommode et cahotée en tous sens sur un pavé inégal, n'ont jamais qu'un demi-succès. Maman, nous retournerons donc à Paris. Oui, mon ami, parce qu'on n'imaginera jamais que vous y soyez revenu. D'ailleurs, j'ai pris des précautions si sûres que vous échapperez à toutes les recherches. Tandis qu'on m'achetait les services de ces 4 coquins qui ne me connaissent que sous le nom du comte de Rosembert, je m'occupais à chercher un logement commode pour une jeune veuve de mes amis qui vient ici solliciter un procès considérable. Elle s'appelle Ducange, et cette madame Ducange, mon amie, c'est vous. Mais comme il n'aurait pas été décent que vous vinssiez seule à Paris, la femme du tour, impatiente de réparer sa faute, cessait depuis 4 jours à jouer le personnage important de madame de Verbourg. C'est ainsi que se nommera, si vous le voulez bien, la respectable mère de madame Ducange. Déjà parée d'une robe française de gros de tour broché, à grandes fleurs embrunies, madame de Verbourg se donne des airs de qualité qui vous feront mourir de rire. Au reste, elle ne fera pas trop mal son rôle, si elle parvient à adoucir quelques expressions énergiques qui échappent fréquemment à sa brusque franchise. Elle a naturellement les manières gauches et empesées de ces dames de paroisse qui n'ont jamais quitté leur château provincial. Vous aurez pour laquais le neveu de madame votre mère. On vous trouvera aisément un cuisinier et une femme de chambre. L'hôtel de X est situé à 200 pas au-dessus du mien. C'est là que je vous ai loué et meublé un appartement que nos amours embelliront. Si vous m'en croyez, vous ne descendrez jamais au jardin, dont je me réserve la jouissance. Il a une porte sur les Champs-Élysées, c'est par là que je me rendrai chez vous, presque tous les jours. Mon docteur, prévenu que je n'irai point à la campagne cette année, m'a déjà ordonné de prendre l'air tous les matins de bonne heure. Les gens qui nous escortaient nous quittèrent à la barrière du trône. Le vicomte de Florville et moi, nous allâmes descendre chez la marchande de mode où nous attendaient ma mère, Justine et mon nouveau laquais. La Dutour commença par avouer sa faute qu'elle me pria d'excuser. Et Justine, charmée de me revoir, n'acheva pas ma coiffure sans m'avoir fait plus d'une espièglerie. Le vicomte de Florville avait pourvu à tous mes besoins. Je me mis dans le simple négligé d'une jolie voyageuse. On chargea mes malles derrière ma chaise de poste, où madame de Verbourg se plaça près de moi. Nous allâmes descendre à l'hôtel de X, rue du Faubourg Saint-Honoré. 2 heures après, madame la marquise de B, suivie de sa femme de chambre, vint savoir si madame Ducange était arrivée. Nous nous embrassâmes comme 2 jolies femmes qui s'aiment bien, quand il y a longtemps qu'elles ne se sont vues. Ma mère, qui sait vivre, nous laissa seules. L'amour entra dans ma chambre à coucher au moment où Madame de Verbourg en sortit. Le petit Dieu resta 2 heures avec nous. « Il est bientôt midi, » me dit la marquise. « Il faut que je vous quitte. On sait à l'hôtel que je devais souper et coucher à la campagne. Mais on m'attend à dîner. À propos, vous êtes galant. Dites-moi donc ce que c'est qu'une certaine bouteille. » « Maman, une étourderie de jasmin. » « Et le portrait de Mademoiselle du Portail, quand me le donnerez-vous ?»« Tout à l'heure. Il est dans une poche de veste du chevalier de Faublas. »« Tenez, ma chère maman, le voici. » »« Demain, je vous apporterai celui du vicomte de Florville. » »« Maman, le marquis ne vous a-t-il pas parlé de Mademoiselle du Portail ?»« Assurément, mon ami. » »« Vous vivez avec ce monsieur de Faublas. » ?»« Vos parents vous cherchent bien loin, tandis que vous êtes bien près. » Au reste, il est fort scandalisé de la manière dont vous avez traité son la jeunesse. « Comment, madame » m'a-t-il dit. « Un coup de fouet, à tour de bras. Est-ce que cela se fait ? Est-ce qu'une jeune personne doit rosser les gens de cette façon-là ? Tenez, madame, le jour où je m'étais fait cette meurtrissure et qu'elle m'appuyait une pièce d'argent sur le front, vous savez comme elle me faisait crier. Vous avez cru que j'étais délicat, que je faisais le dameret. Eh bien, madame, je souffrais comme un damné. » Elle a un poignet d'enfer. C'est un vrai petit démon que cette fille-là, et on le voit bien dans sa physionomie. » Dès que Madame de B fut partie, Madame de Verbourg rentra. Je la priai d'envoyer la fleur chez Monsieur de Rosembert. « Madame ma fille, Monsieur le comte n'est pas à Paris. »« Madame ma mère, je crois qu'il doit y être, et s'il n'y est pas, je veux du moins en être sûr. » »« Mais, monsieur, Madame la marquise n'a pas ordonné. » Madame la marquise n'a pas ordonné, mais ma chère, vous devenez donc folle. Vous imaginez donc que je suis au gage de la marquise comme vous. Madame Dutour, apprenez et n'oubliez pas que je suis ici chez moi. Si la fleur ne va pas tout à l'heure chez Monsieur de Rosembert, j'y vais moi-même. Madame Dutour, écoutez-moi. Vous voyez ces 3 louis. Ils sont à vous si le comte me vient voir aujourd'hui. Mais s'il est à la campagne, vraiment, j'en aurais bien du regret. Mais les 3 louis me resteront. Ma chère, vous savez écrire, prenez une plume et du papier. » Madame de Verbourg écrivit sous ma dictée. « Madame Ducamp, je désirerais entretenir Monsieur le comte seulement pendant 15 minutes. Si pourtant Monsieur de Rosembert ose accepter un mauvais dîner, on le lui donnera avec plaisir. Ce qu'on veut lui dire est très pressé. » J'appelai la fleur. « Mon ami, tu vas porter ce billet à Monsieur de Rosembert. » Aux questions qu'il te fera, tu répondras seulement que ta maîtresse est jolie et demeure Faubourg Saint-Honoré à l'hôtel de X. Si par hasard le comte n'était point à Paris, tu demanderas dans laquelle de ses terres il est allé. Madame Dutour, songez aux 3 louis. » Mon domestique, en revenant, m'annonça que Monsieur le comte suivait. Quelques instants après, Rosembert entra chez moi d'un air leste et galant. « Belle dame, » il s'arrêta tout à coup et poussant de longs éclats de rire. « Le diable m'emporte » s'écria-t-il, « si je n'accourais triomphant. Mais je ne regretterai pas ma prétendue bonne fortune, puisque j'embrasse mon ami. » Je m'adressai à Madame de Verbourg. « Madame ma mère, voulez-vous bien nous laisser ?»« Madame ma mère ?» répéta Rosembert. « Voyons donc, Madame ma mère. » Il pirouetta plusieurs fois autour d'elle et la fit tourner autour de lui. « Madame ma mère, vous êtes charmante. Vous avez une figure noble, un grand air, une robe majestueuse. Mais comme dit fort bien votre fille, laissez-nous. » « Mon cher Faublas, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» Rosembert ne put écouter le détail de mon enlèvement et de mon travestissement nouveau sans l'interrompre plusieurs fois par ses plaisanteries. « Enfin, me dit-il quand j'eus fini, la marquise a si bien fait que voilà désormais en son pouvoir. » « Oui, Rosembert, mais ma Sophie. »« Ma Sophie, nous y voilà. »« Eh bien, que voulez-vous lui faire à votre Sophie? Elle est toujours au couvent. »« Vous le savez. »« Oui, je le sais. »« Je sais aussi que mademoiselle votre sœur n'est plus avec elle. »« Le baron l'a retirée de ce couvent pour la mettre dans un autre. »« Et il a congédié l'honnête monsieur Person. »« Rosembert, mais si je reste ici, comment verrai-je ma jolie cousine ?» « Mon cher Faublas, je vous offrirai bien ma maison, mais cet asile ne serait pas respecté. Madame de B vous y poursuivrait. »« Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu. »« Chevalier, doutez-vous de mon amitié ?»« Non, mais je crains de trop exiger d'elle. Comment ? Si j'étais à votre place, et que vous fussiez à la mienne, craindriez-vous de me rendre les services que vous n'osez me demander ? Assurément non. En ce cas, parlez hardiment. Rosenberg. Quoique je sois ici beaucoup mieux que dans ce village de l'abri, quoique je jouisse du plaisir de voir librement une femme charmante, à laquelle je vous avoue que je suis encore attaché, je vous assure cependant que je n'ai fait que changer de prison si je ne revois ma Sophie. Ne pourriez-vous pas me chercher dans les environs du couvent où elle est ? J'entends. La marquise vous a volé au baron. Il faut moi que je vous enlève à la marquise. Je ne vois à cela aucun inconvénient. Je n'ai pu l'empêcher de s'approprier mademoiselle du Portail. Eh bien, je lui soufflerai, madame Ducange. Cela est juste et consolant. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de voir comment celle qui m'a exposé aux rigueurs du célibat supportera les ennuis du veuvage. Comptez sur moi, Faublas, comptez sur moi. Il était temps de nous mettre à table. Pendant le dîner qui fut long, le comte s'amusa beaucoup aux dépens de madame de Verbourg. Nous étions au dessert, quand le propriétaire de l'hôtel, monsieur de Villarthur, financier parvenu, curieux de voir ses nouveaux locataires, entra sans savoir si sa visite ne nous gênerait pas. Qu'on se figure l'ignorance et la bêtise personnifiées, on aura de M. de Villarthur une idée encore trop avantageuse. Il trouva que l'on n'avait pas trompé quand on lui avait dit que j'étais jolie. On conçoit que ce lourd personnage m'aurait beaucoup ennuyé si le ton prétendu galant qu'il prit avec moi ne m'avait laissé une ressource, celle de me moquer de lui. Mon malin compagnon m'aida charitablement à persifler le pauvre homme qui me promit, en s'en allant, de revenir bientôt me voir. Rosenberg avait affaire. En me quittant, il me dit « En attendant que j'aie trouvé ce que vous désirez, j'espère, mon ami, que vous voudrez bien m'emprunter quelque argent dont je n'ai nul besoin aujourd'hui et que je serai bien aise de retrouver dans un autre moment. » Le soir même, il m'envoya 200 louis. Madame Dutour me donna un compte exact des frais qu'avait occasionné mon enlèvement et de ceux que nécessitait mon séjour dans l'hôtel que j'occupais. Le lendemain, dès que la marquise arriva, je la priai d'en vouloir bien recevoir le remboursement. « Beaucoup de femmes, me dit ma belle maîtresse, prétendent qu'entre amants une affaire d'intérêt doit s'oublier. Moi, mon ami, je reprends mon argent sans me faire prier, et même, je crois devoir me justifier du silence que j'ai gardé sur cet article délicat. Je ne croyais pas que vous puissiez me rendre sitôt les avances que j'avais faites. Aussi, je n'osais vous en parler, de peur de vous donner quelque mortification. Cependant, je sentais qu'en les taisant, j'offensais votre délicatesse. Mais enfin, j'ai mieux aimé mériter les reproches du chevalier que de m'exposer à chagriner mon ami. Tenez, mon cher Faublas, gardez ce petit meuble. Ce sera pour vous un trésor, si je vous suis cher autant que je vous aime. » C'était le portrait du vicomte de Florville. J'adressai à la marquise des remerciements énergiques. Elle partagea d'abord les transports de ma reconnaissance, dont bientôt elle se crut obligée de modérer l'excès. Il ne m'était plus permis que de parler quand on annonça M. de Villarthur. Madame de B. fut curieuse de voir cet original. Il partagea son sot hommage entre la marquise et moi et nous débita la fleurette à sa manière. Dans le cours d'un entretien devenu comique, par les inepties dont l'épée financier l'assaisonnait, nous remarquâmes que ce monsieur croyait à l'astrologie. Il connaissait des magiciens. Il avait même vu des vampires, des revenants. Il finit par nous dire qu'il amènerait un de ses amis à moitié sorcier, qui nous raconterait nos aventures passées, présentes et futures, quand nous lui aurions fait voir seulement nos mains et notre visage. « Pardieu ! » s'écria madame de Verbourg, qui venait d'entrer. « Croyez-vous que madame Vaffy lui montrera ?» Je marchais si rudement sur le pied de ma chère amie qu'elle ne put achever. La marquise riait de toutes ses forces. M. de Villarthur, enchanté, sortit en nous disant qu'il amènerait dès demain l'astrologue. Je ne vis pas Rosenberg ce jour-là. La marquise vint le lendemain de très bonne heure et présida ma toilette que je fis belle, à cause de l'astrologue, aux dépens duquel nous comptions nous amuser. Un peu avant midi arriva M. de Villarthur, qui nous cria qu'il amenait le sorcier. Je pensais tomber à la renverse, quand derrière le financier, j'aperçus le marquis de B. Il vit sa femme et fut étonné. Il reconnut Mademoiselle du Portail et s'arrêta stupéfait. « Quoi ? » s'écria-t-il. « C'est là, Madame Ducange ?»« Oui, » répondit Ville-Arthur. Monsieur de B, les bras pendants, le regard fixe, la bouche entrouverte, semblait n'avoir pas assez de ses deux petits yeux pour me considérer. « Oh, comme il vous regarde !» me dit Ville-Arthur. « Votre physionomie l'a frappé. Voyez comme il travaille déjà !» La marquise, qui conservait toujours un sang-froid admirable dans les occasions pressantes, la marquise alla à son mari, le prit par le bras et le tira vers une fenêtre assez près de moi. « Votre ami est plus pressé que vous, » continua le financier. « Mais elle a beau faire, c'est vous qui l'a regardé. Votre physionomie l'a frappé, l'a frappé !» Pendant ce temps-là, je prêtais une oreille attentive à ce qui se disait derrière moi, et la marquise, s'il n'avait pas voulu que je l'entendisse, aurait recommandé à son mari de parler plus bas. « Ne l'ai-je pas deviné, madame ?» disait le marquis. « Ah ça, elle est donc enceinte ?»« Ne vous en êtes-vous pas aperçu ?» répliqua la marquise. « Moi, tout de suite. Elle n'est pas avancée, la grossesse ? 4 ou 5 mois, peut-être. Tout au plus. Je le vois bien. Comme je vais me venger. Mais, monsieur, ne la chagrinez pas. Oh, je ne casserai pas les vitres. » Monsieur de Ville-Arthur, qui ayant fini de rire, recommençait à me parler, m'empêcha d'entendre le reste. « Savez-vous bien, » me dit le marquis, en venant à moi, « savez-vous bien que je vous trouve un peu changé ?»« Ah ah !» interrompit Ville-Arthur, « vous la connaissez donc ?»« Oui. Quand j'ai connu madame, elle était encore fille. »« Ah ça, mais vous êtes-vous mariée tout de suite ?»« Oui, monsieur. »« Et vous voilà déjà veuve ?»« Hélas, oui. »« Tout cela en 3 ou 4 mois. »« C'est bien prompt, au moins. »« Il ne faut pas demander si le défunt était aimable. »« Mais pourquoi n'êtes-vous pas en deuil ?»« Pour des raisons qu'on vous dira. » répondit Madame de B. Moi, je crois que le pauvre mari est déjà oublié. Pourquoi donc cela, monsieur ? Parce que le chagrin ne vous a pas empêché de faire des parties de campagne. Moi, monsieur ? Vous direz peut-être que non. Ne vous ai-je pas rencontré sur le chemin de Versailles, au pont de Sèvres ? Oui, mais, monsieur... Ne parlez pas de cela, monsieur, lui dit tout bas la marquise. Ne voyez-vous pas que vous la mortifiez ? « Madame Ducange, » reprit le marquis, charmé de l'embarras que j'affectais, « savez-vous qu'il n'est pas prudent de monter à cheval dans l'état où vous êtes ? Prenez bien garde aux fausses couches. »« Monsieur, vous croyez donc que je suis enceinte ? J'en suis sûr. Mais tenez, au carnaval dernier, je me suis aperçu... Gageons que le mariage était déjà fait. On tenait le secret, n'est-il pas vrai ? Mais, monsieur, tout ce que je puis vous dire, ma belle dame, c'est qu'à cette époque... Il y avait déjà quelque chose dans vos yeux. Je ne vous ai pas parlé de mes talents pour l'astrologie parce que j'étudiais. Je n'étais pas encore assez fort. Mais vous savez comme je suis physionomiste. Eh bien, au carnaval dernier, j'ai remarqué dans votre figure quelque chose qui annonçait un sang. Demandez à madame, je le lui ai dit. D'honneur, j'ai senti le mariage. Quant à la grossesse, je ne pouvais pas tout à fait deviner. Écoutez donc, cela était encore bien frais, mais aujourd'hui... « Cela est différent. On ne peut plus s'y méprendre. Mais ce visage est un peu fatigué. Et puis voyez-vous ici un soupçon d'embonpoint, une nuance d'arrondissement. Cela commence à pointer. » Madame de B, encouragée par les rires que la marquise ne pouvait étouffer sous son éventail, me demanda qui serait le parrain du petit poupon. « Sans doute, monsieur votre père. » Je tâchais de rougir et, prenant un ton humilié, « Monsieur, mon père ignore mon mariage. »« Monsieur, et si par hasard vous rencontrez mon père ou mon frère, je vous prie de ne pas leur dire que vous m'avez vu. »« Ne craignez rien. »« Mais, monsieur Ville-Arthur, »« Ville-Arthur, ma belle dame, il ne sait pas votre nom de fille. »« Et vos parents ne vous connaissent pas sous votre nom de femme. »« D'ailleurs, il est discret, Ville-Arthur. »« Certainement, » interrompit celui-ci. « D'abord, moi, je ne me mêle jamais de dire ce que je ne sais pas. » Or ça, monsieur le marquis, je vous avais amené pour dire la bonne aventure à ces dames. Vous en connaissez une, cela vous empêchera-t-il ? Non, non, vous avez raison, je vais leur dire la bonne fortune. Il s'approcha de sa femme. Allons, madame, commençons par vous. La marquise lui livra sa main, dont il compta les lignes longues, courtes, directes et transversales. Ensuite, il examina son visage, et après l'avoir regardé tendrement, « Madame, » lui dit-il d'un ton qui annonçait combien il était content de lui, « vous avez un mari qui vous amuse beaucoup par ses saillies et que vous aimez à la folie. »« Fort bien, monsieur, » répondit la marquise en retirant sa main. « Je ne veux pas en savoir davantage, je vois que vous êtes un grand sorcier. »« À vous, belle dame. » Quand il m'eut considéré avec la même attention, il me demanda si mon mari n'avait pas deux noms. « Il n'en avait qu'un, monsieur, il ne s'appelait que Ducange. »« Cela est singulier. Pourquoi donc, monsieur ?»« C'est qu'il paraîtrait que le pauvre défunt a été... »« A été quoi, monsieur ?»« Ah, vous vous fâcheriez. Comment vous dirais-je cela ?»« Tenez, belle dame, je vais employer une figure. Il paraît que le fruit qui est maintenant sur l'arbre de vos amours a été greffé par... »« Un nommé Faublas, puisqu'il faut vous le dire. » « Monsieur, vous m'insultez !»« Oh, qu'elle est drôle quand elle est en colère !» s'écria l'épais financier, en riant si fort que tout son corps paraissait agité de mouvements convulsifs et que la poudre de sa perruque tombait à terre par flocons. « Il paraît même, reprit le marquis, que cela est arrivé dans un boudoir loué chez une marchande de mode rue X. »« Monsieur, ce que vous me dites là est fort impertinent. » Madame de Verbourg, qui venait de mettre sa belle robe, entra dans ce moment. Elle fut très déconcertée en voyant le marquis de B. Après avoir fait une révérence comique, elle vint à moi. Je lui dis tout bas de quoi il s'agissait. Je ne sais quelle question le marquis faisait alors à sa femme, mais j'entendis celle-ci lui répondre « C'est une mère supposée. » Le marquis salua Madame de Verbourg, qu'il regarda beaucoup. « C'est là, madame, votre mère ?»« Mais je crois, en vérité, madame, je crois avoir eu l'honneur de vous voir quelque part. » « Cela se peut, monsieur, » répondit la Dutour, qui perdait la tête. « Cela se peut bien, j'y vais quelquefois. »« Où cela, madame ?»« Où ce que vous disiez, monsieur ?»« Comment, madame ? Est-ce que vous avez entendu parler du boudoir ? C'est une plaisanterie. »« Quoi, du boudoir ? Quoi que vous me rabâchez donc, monsieur, avec votre boudoir ?»« Rien, rien, madame. Nous ne nous entendons pas. »« Ni moi non plus, » interrompit Ville-Arthur. « Je ne comprends plus rien à ce qu'ils disent. » Ma belle maîtresse riait de tout son cœur, et moi, qui étais là de me contenir, je saisis le moment pour donner un libre cours à ma gaieté. « Mais, » reprit le marquis, « voyez donc comme elle rit. « Madame, madame, votre fille est un peu folle. Prenez garde qu'elle ne fasse une fausse couche. »« Une fausse couche ?» répondit Madame de Verbourg. « Une fausse couche, elle ! Par Dieu, je voudrais bien voir ça. « Madame, prenez-y garde, vous dis-je. Madame, votre fille monte à cheval, et cela est dangereux. » « Sans doute, » interrompit Ville-Arthur, « on peut tomber. Cela m'est arrivé l'autre jour. »« Tomber ?» répondit le marquis. « Ce n'est pas cela que je crains pour elle. »« Et pourquoi ne tomberait-elle pas ? Je suis bien tombé, moi. »« Pourquoi ? Parce qu'elle monte mieux que vous. »« Vous n'imagineriez pas comme elle est forte, cette jeune dame-là. »« Mon ami Ville-Arthur, quoique vous soyez bien gros et bien rond, je ne vous conseillerais pas de vous battre avec elle. »« Bon, voyons donc ça, » s'écria le financier en venant à moi. « Monsieur, lui dis-je, êtes-vous fou ?» Il voulut me prendre au corps. Je le saisis par le bras droit. « Quoique c'est donc là que cet homme-là qui veut tripoter madame ma fille ?» dit la Dutour. Elle empoigna le bras gauche de Ville-Arthur. Le lecteur se souvient d'avoir fait tourner en tous sens, dans son enfance, un petit moule de boutons traversé d'une mince allumette. Monsieur de Ville-Arthur, mu par une double secousse, fit, comme ce frêle jouet, plusieurs tours sur lui-même en chancelant, et finit par tomber sur le parquet. Les domestiques accoururent au bruit. Le financier, aussi honteux que piqué, se releva et sortit sans dire un seul mot. Le marquis le suivit pour le consoler, et Madame de B., qui donnait à dîner chez elle, ne tarda pas à me quitter. J'étais étonné de n'avoir pas entendu parler du comte depuis la surveille. Il arriva le soir même, un peu avant la nuit fermée. Il me dit en m'embrassant, « Je vous félicite de votre bonheur, mon ami. Tout succède à vos vœux. Tout est prêt. Suivez-moi. »« Quoi ? Tout à l'heure ? À l'instant même. » Je sautai à son col. « Mon ami, que de remerciements, ne vous dois-je pas ? Mais, Rosenberg, racontez-moi. »« Je vous dirai tout cela là-bas. Ma voiture vous attend. Il n'y a pas un moment à perdre. Suivez-moi. »« Mon ami, je vais donc abandonner la marquise. »« Oui, pour revoir Sophie. » Pour revoir Sophie, partons, Rosenberg, partons. Attendez que je prenne le portrait de ma jolie cousine. » Je sonnai là du tour. « Ma chère, faites préparer le souper. Nous allons, monsieur le comte et moi, descendre un moment dans le jardin. » Au lieu d'aller dans le jardin, nous montâmes dans la voiture du comte. « Prends par les boulevards, » dit-il à son cocher. « Ventre à terre jusqu'à la porte Saint-Antoine. De la porte Saint-Antoine à la place Maubert, doucement. » Dès que les stores furent abaissés, Rosenberg m'apprit que, depuis notre dernière entrevue, il avait découvert, retenu et meublé pour moi un petit logement placé si près du couvent de Sophie que de mes fenêtres je pourrais voir tout ce qui s'y passerait. Il m'avertit que Mademoiselle du Portail, devenue depuis peu Madame Ducange, serait désormais Madame Firmin. Nous descendîmes à la place Maubert, nous gagnâmes à pied la rue de X. Arrivé chez mon propriétaire, nous traversâmes une longue cour et un grand jardin, au fond duquel je vis un petit pavillon bâti contre un mur mitoyen qui me parut avoir près de 10 pieds de hauteur. Je remarquai que des fenêtres de mon premier étage, il était fort aisé de descendre à l'aide d'une corde seulement dans le jardin voisin. Rosenberg me combla de joie en m'apprenant que ce jardin était celui du couvent. Ensuite, il me fit voir qu'en s'occupant de l'utile, il n'avait pas négligé l'agréable. Un forte piano était près de ma fenêtre. On avait disposé l'instrument de manière qu'en faisant de la musique, je pourrais voir tout ce qui se passerait dans le jardin. Rosenberg m'affligea beaucoup. Lorsqu'en me disant adieu, il m'observa que nous serions privés du plaisir de nous voir, tandis que je resterais caché dans cette maison. Il me fit sentir que la marquise ne manquerait pas d'apposter des gens, qui éclairaient toutes ses démarches, et que ma retraite serait bientôt découverte. S'il avait l'imprudence de venir m'y visiter, nous convînmes que nous nous écrions par la petite poste et que de peur de surprise, je lui enverrai mes lettres à l'adresse de M. Saint-Aubin, l'un de ses intimes amis.